Il fait accuser Rabirius et le condamne. Il suscita aussi un accusateur pour haute trahison contre Gaius Rabirius, qui quelques années auparavant avait plus que personne aidé le Sénat à comprimer les séditieuses entreprises du tribun Lucius Saturninus. Désigné par le sort pour être un des juges de l'accusé, il le condamna avec tant de passion que devant le peuple rien ne fut aussi utile à l'appelant que la partialité de son juge.